Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 70. De l'état de l'âme séparée du corps. Si l'âme séparée du corps conserve les facultés sensitives et leur exercice, comment elle peut souffrir les atteintes du feu corporel? 1. Les facultés sensitives restent-elles dans l'âme séparée du corps? Les facultés sensitives ne restent dans l'âme séparée du corps que comme dans leur racine, à la manière du dérivé dans son principe, et l'âme conserve la vertu nécessaire pour les mettre en exercice, dès qu'elle sera unie de nouveau à son corps. Note. Cette question a été amplement traitée dans la première partie de cet ouvrage, question 77. Des facultés de l'âme en général, article 8. 2. Les actes des facultés sensitives existent-ils dans l'âme séparée du corps? Les facultés sensitives ne s'exercent que par l'intermédiaire des organes corporels, et leurs opérations sont d'ailleurs communes à l'âme et au corps. Conséquemment, leurs actes ne restent dans l'âme séparée que comme dans une racine éloignée. Note. On dira peut-être que la mémoire, faculté sensitive, subsiste dans l'âme séparée des organes, comme l'indique cette parole d'Abraham au mauvais riche, « Souvenez-vous que vous avez reçu des biens pendant votre vie. » Luc 16, 25. La mémoire qui subsiste dans l'autre monde n'est pas celle dont la partie sensitive de notre âme est le siège, c'est celle qui, résidant dans l'intelligence même, fait abstraction des circonstances de temps et embrasse le passé, le présent et l'avenir. L'amour, la joie, la tristesse et les autres affections pareilles existent comme actes de la volonté dans l'âme séparée du corps, mais non comme passion de l'appétit sensitif. Fin de la note. 3. L'âme séparée du corps subit-elle les atteintes d'un feu matériel? L'âme séparée du corps se trouve, relativement à l'action du feu de l'enfer, dans la condition des démons, qui subissent les atteintes du feu dans lequel seront jetés les corps des damnés après la résurrection, comme le marque cette sentence du Sauveur aux réprouvés, « Retirez-vous de moi, maudit ». Allez au feu éternel, qui a été préparé pour Satan et pour ses anges. Matthieu 25, 41. Or ce feu est matériel, car autrement il n'agirait pas sur les corps des réprouvés. Donc l'âme séparée du corps subit les atteintes d'un feu matériel. Elle s'est soumise au corps par la concupiscence, il est juste qu'elle soit soumise à la matière par la souffrance. On a donné diverses explications de l'action du feu matériel de l'enfer sur l'âme, qui est un esprit. Voici, à notre sens, la meilleure. Ce feu possède, comme instrument de la justice divine, la vertu d'enchaîner les esprits et de leur rendre impossible l'accomplissement de leur volonté, en les empêchant d'agir où ils veulent et comme ils veulent, si l'esprit de l'homme, pendant la vie, est renfermé dans le corps, pourquoi, après la mort, ne pourrait-il pas être circonscrit dans un feu corporel? L'âme, de son côté, enchaînée à l'instrument de son supplice, éprouve dans cette prison vent la plus grande horreur pour un tel agent de la justice divine, et, de la sorte, concevant le feu comme son mal, elle en subit le tourment. Note. Si l'âme ne concevait pas le feu comme lui étant nuisible, elle n'en éprouverait point la douleur. Partout où vont les esprits des damnés, ils voient dans le feu de l'enfer l'instrument préparé pour leur supplice, tel le prisonnier qui sort de son cachot, auquel il est condamné à perpétuité, en subit toujours la peine, parce qu'il s'y voit toujours condamné. Markemdanarchive.org 2021 D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.